claqua la porte après une engueulade avec ses parents. Ne lui demandez pas pourquoi son père crie tout le temps. Normal, il se pose beaucoup de questions. De quelle manière, de quelle façon, d'où vient tout ce pognon? Comment un chômeur depuis plus de 5 ans peut se payer une caisse qui vaut plus de 100 000 francs? Enfin un père qui ne ferme pas les yeux, pas comme beaucoup s'en foutent que le fils mette beaucoup d'enjeux. Il préfère utiliser tous ses oseilles, se payer des merveilles, des baraques au pays et sans conscient du mal. Une fois que le fils perd la vie, mais ici le père agit différemment des autres. Sa règle c'est de marcher tout droit, alors il s'évite, met à son enfant la raclée de sa vie. Fin du rêve pour le fils, début du cauchemar, ha, pour ce dernier qui prend la fuite. J'ai fui la réalité dans une résidence privée autour de moi. Un monde fou s'est égaré. Oh, je vis un conte de cité bien différent d'un conte de fées. Face à tout ça, comment puis-je garder ma dignité? Joyaux, belle perle rare. Quand elle passait dans le quartier, tout le monde la convoitait. Tout le monde l'aurait voulu pour se marier. Une princesse des mille et une nuits. Qui aurait pensé qu'elle passerait mille et une nuits à donner son corps au premier venu? C'était dans la cave, dans ce sombre et triste décor, que un par un comme des chiens se l'a refilé. Ah, ils sont loin, les palais de la belle au bois dormant, qu'attend son prince charmant. Maintenant ce sont des lascars au vice puant, sans respect. Car même le meilleur ami de son frère se l'a tapé. Un jour il échappa en flagrant délit. Pour eux ce fut fini. Une histoire parmi tant d'autres. Un conte de cité. Un conte de cité qui est loin de ressembler au conte de Walt Disney. Un conte de cité. Les deux pieds dans la réalité. Je suis la un réalité conte de cité. Dans une résidence privée autour de moi. Un monde fou s'est égaré. Le philosophe est sur la cité. C'est pareil, aujourd'hui rien n'a changé. Les problèmes sont toujours les mêmes. D'autres fossés se sont creusés. Les innocents sont devenus les victimes. Ce système les a oubliés.